Go back to bed, America. Your government is in control. Les droits de l'homme? Oh, les droits de la femme? Oh, on s'en fout. Ben, ça paye. Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. On vit sur du temps emprunté, puis tôt ou tard, il va y avoir un réajustement qui risque de faire mal. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. L'économie doit être au service du reste des liens humains. Mais si on fait rien, c'est sûr que rien ne changera. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. Puis, avez-vous gagné vos élections? Hein? Avez-vous perdu vos élections? Peut-être. Moi, ça compte pas parce que je perds toujours mes élections. Hein, toujours. Vraiment, là, c'est... Si vous voulez savoir qui va gagner, appelez-moi puis gagez sur l'adversaire de celui pour qui je vote. Ça va marcher. À 100% ou presque. Mais collectivement, je sais pas si on a gagné. Taux de participation à Québec, 50,9%. Ben, franchement, c'est poche. C'est pire qu'en 2013 et on était à 54%, puis je trouvais déjà ça mauvais. 50,9, c'est à peine 1 sur 2, là. À peine. Si vous étiez si occupé que ça dimanche le 5, là, vraiment, c'est quoi, là? C'est les fenêtres à laver, les pneus d'hiver, la peinture, je sais pas, la teinture. Non, en fait, à Québec, mais dans bien d'autres villes aussi au Québec, faut le dire, il semble qu'il n'y ait pas encore un intérêt assez fort pour le municipal. Il n'y a pas encore d'enjeu où, dans le cas de Québec, il y en a plusieurs qui sont probablement dit, c'est déjà réglé. Fait que pas besoin de se déplacer, la bombe va gagner. Ben oui. Mais en même temps, j'ai lu qu'il y a du monde qui ont décidé de voter la bombe plutôt que Démocratie Québec pour bloquer Québec 21. Ah ben, c'est fort probable. On est encore obligé de voter stratégique, de calculer. Ça veut donc dire qu'on n'est pas encore au stade où on analyse les programmes, où on vote pour les meilleures personnes aux meilleurs endroits. Non. Pour beaucoup, on calcule ou on vote contre. Mais moi, le chiffre que je retiens, c'est 56 877. Ça, c'est le nombre de gens à Québec qui ont l'estomac solide, très solide. Et pendant ce temps à Montréal, ben, on sourit et on est plein d'espoir. C'est cruel. Bienvenue à Econophile. Alors, vous voulez nous retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog, ben on est là. Allez aimer sur la page Facebook pour nous suivre, c'est facebook.com/econophile891. Et puis, ben pour trouver le blog, deux façons, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook. Ou encore, ben vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section émissions. Jean-Claude Cloutier, bonjour. Bonjour, David Lemelin. Content de te voir en face. face à face, oui, effectivement. On a une proximité parce que cette semaine, nouveauté. Gerrit Dorer est là à la mise en onde et je le remercie d'être là pour nous. Ça va faire en sorte qu'on soit face à face pour parler d'un sujet très, très intéressant, la fiscalité et les surplus. Finalement, on a beaucoup d'argent. On a beaucoup d'argent, c'est ce qu'on va discuter, mais peut-être moi mentionner un peu, c'est un mode ironique, c'est un sujet difficile et pénible pour l'ensemble des citoyens et des auditeurs sans doute. J'aimerais citer Winston Churchill, qui est célèbre pour beaucoup de ses citations. Lui, il a déjà dit, une bonne taxe, ça n'existe pas. Puis c'est toujours un sujet qui fait, peu importe la taxe, ça fait toujours mal, effectivement. Juste mentionner une petite statistique aussi, c'est qu'en 2011, une enquête CROP disait, auprès des Québécois, on posait la question, est-ce que les impôts sont trop élevés pour les services reçus? 70% des Québécois disaient que oui, les impôts étaient trop élevés. Puis 88% en 2011 jugeaient que les impôts étaient mal gérés par le gouvernement. Ah bon, on va parler de tout ça. Puis pour en discuter d'ailleurs, je me suis entretenu avec la chercheuse Évelyne Couturier de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, là, qu'on aime bien, qui fournit toujours de pertinents points de vue, qui font du bien au cerveau et à l'âme. Et on va aborder avec elle laquelle la question à savoir baisser les impôts, est-ce que c'est une bonne idée? Et puis, chiffre de la semaine, Jean-Claude? 11,2%. Ça, c'est la crème? Non, c'est pas ça. C'est une chose dont on a... Peut-être nos auditeurs, ça va leur dire de quoi, parce qu'il y en a été question dans l'actualité cette semaine, mais ça va être intéressant, je pense, d'y revenir. Ça mérite qu'on y revienne. Donc, réponse en fin d'émission. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad. Alors, Jean-Claude, on va commencer tout de suite pour parler de la situation, en fait, parce que s'il y a des baisses à venir, si on parle de redonner, de faire des cadeaux, c'est la raison pour laquelle il y avait cette petite pièce innocente qui jouait derrière pour introduire le tout. Si tu me permets, je vais juste faire rapidement la lecture pour nous situer un peu de l'article écrit par Francis Veil qui parle du surplus de 1,2 milliard en un seul mois. Hein? C'est quand même pas rien. Au fait, d'où viennent ces surplus, dit-il? J'en entends dire qu'ils ont été amassés sur le dos des clients du système d'éducation et de la santé. C'est mal connaître le contexte économique. Personne n'aurait pu prévoir que le Québec connaîtrait une telle croissance économique. En 2017, encore hier, les chiffres de l'emploi du mois d'octobre sont venus confirmer la tendance. Or, cette croissance des emplois, des ventes au détail et des affaires engraisse les coffres de l'État. Depuis avril, les revenus autonomes du gouvernement sont en hausse de 4,5% sur la même période de l'an dernier. Or, le gouvernement avait prévu qu'il croîtrait au rythme de 1,8. On parle de 4,5 alors qu'on s'attendait à 1,8. En août, ce sont les recettes liées tirées de l'impôt des particuliers qui ont connu la plus forte hausse, 12,7% de plus, après les cotisations au fonds des services de santé, plus 20%. Depuis le début de l'année financière, 1er avril, l'augmentation est de 3,6% dans le premier cas et de 3,7% dans le second. Donc, vous voyez que ça va plutôt bien. Ces cinq mois d'exercice ont vu les recettes des impôts des sociétés croître de 18,1%, donc hein, les sociétés aussi, et celles des taxes à la consommation de 3,8%. Ce boom des revenus se poursuivra-t-il au cours des prochains mois? Difficile à dire, l'économie du Québec ne pourra continuer à ce rythme pendant longtemps, pensent de nombreux économistes. Et par ailleurs, le gouvernement ne pourra compter sur les mêmes recettes au cours des prochains mois, ayant baissé certains impôts. Ça met quand même la table, je trouve, pour parler de tout ce dont on pourra parler, à savoir qu'on se retrouve présentement, Jean-Claude, avec des surplus. Là, ça va bien, là. Ça va très bien. C'est vrai qu'un surplus de 1,4 milliard pendant un mois, c'est impressionnant. Ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tous les mois de l'année. Mais M. Veil a ajouté dans son article que déjà, on avait atteint à peu près les objectifs que le gouvernement... On l'avait atteint au mois d'août, les objectifs qu'on s'était donnés pour l'année. On les avait dépassés. Puis M. Veil ajoute, puis ça, j'aime toujours ça quand les commentateurs le font, c'est on peut même ajouter à ça ce que le gouvernement dépose dans le fonds des générations. Et là, on se ramasse avec un surplus, non pas de 1,4 milliard depuis le début de l'année financière, mais de 2,6 milliards. Donc, en gros, c'est un surplus budgétaire de l'ordre de 2,5 milliards. C'est quand même... on est habitué au Québec à entendre parler de déficit, alors que là, on a vraiment de l'argent qui coule à flot. Bon, et évidemment, il en a parlé un peu. Il a dit c'est beaucoup parce que l'économie va bien. C'est ce qu'on comprend, parce qu'on pourrait dire, bon, ils ont coupé partout, ce qui est un fait, mais il y a aussi et beaucoup l'économie qui va bien. Tout à fait, l'économie va bien. Oui, tu l'as même mentionné dans ta lecture tantôt, tu as rappelé quelques passages là-dessus, la croissance des emplois, des ventes au détail et des affaires. C'est d'ailleurs une chose, moi, qui me frappe, parce que il y a quelques années, on blâmait un peu le gouvernement Couillard et donc le ministre des Finances, M. Lightower, d'avoir une politique un peu contraire à la politique keynésienne, c'est-à-dire que alors qu'il aurait fallu relancer l'économie, on mettait frein, c'est-à-dire on enlevait de l'argent dans l'économie avec des mesures d'austérité. Maintenant, alors que ça va bien, on devrait en profiter pour rembourser ses dettes, puis sauf qu'on... Puis, alors, plutôt que rembourser les dettes, on laisse entendre qu'il pourrait y avoir une baisse d'impôts. Donc, on a une politique maintenant de relance de l'économie, alors que l'économie marche tout seul. C'est un peu paradoxal. C'est comme si M. Lightower, qui pourtant est un économiste patenté, diplômé, avait jamais lu Keynes. En tout cas, il ne croyait plus à Keynes. Ouais, je pense qu'il y a plutôt des impératifs politiques. C'est ça qui arrive aussi, c'est qu'on est dans une année préélectorale et ça force les choix. Et quand on est assis autour du Conseil des ministres, ministre et que le premier ministre nous dit je comprends tes analyses, mon cher, mais ma priorité, c'est 2018, ça risque d'orienter beaucoup les choses. Bien, c'est-à-dire que je dirais un peu en boutade parce que Kane parlait de cycle économique alors que le gouvernement lui parle d'un cycle électoral. Exactement ça. Et d'ailleurs, article dans Le Devoir où là, on parle de c'est le fun, on fait de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, le temps est venu de baisser les impôts au Québec, pensent des économistes, afin de soutenir la croissance économique, tiens donc, et d'éviter que la pénurie de main-d'œuvre ne s'aggrave. Le gouvernement québécois devrait profiter de son nouvel équilibre budgétaire pour réduire les impôts aussi bien des particuliers que des entreprises, ont plaidé jeudi les économistes de le Mouvement des Jardins, la Banque nationale, la Banque de développement du Canada. C'est quand même pas étonnant. La baisse d'impôts pourrait être d'environ 1 milliard, comme celle du gouvernement Charest en 2008, et être suivie plus tard par une ou deux autres de même importance selon les circonstances. Cela aiderait, disent-ils, à entretenir pendant quelques années encore le bel allant qu'affiche actuellement l'économie québécoise en raison d'un ensemble de facteurs, dont les politiques de stimulation économique du gouvernement fédéral, la reprise des exportations, le retour des investisseurs, la solidité du marché immobilier et la confiance des consommateurs qui découle entre autres du retour à l'équilibre budgétaire à Québec. Quand on a les moyens, il faut y aller. C'est ça qu'on dit, Jean-Claude. Oui, tout à fait, mais il y a quand même des arguments là-dedans qui ont peut-être un certain mérite quand même. Il y en a un des trois économistes en question qui mentionnait que, dans le fond, il fallait avoir un régime fiscal assez intéressant, assez avantageux, si on ne voulait pas que les immigrés, enfin, même les Québécois de souche, migrent vers d'autres administrations moins exigeantes au point de vue fiscal. C'est un argument, bon, il faut en prendre pour en laisser peut-être, mais ça faisait partie de l'argumentation. Ce qui m'a un peu surpris, par contre, davantage, c'est qu'un de ces trois économistes-là mentionnait, il y avait un discours très politique en disant « faut se méfier des politiciens, c'est aussi bien de baisser les impôts parce que autrement, il y a un danger que les politiciens se mettent à faire toutes sortes de promesses inconsidérées, qui promettent toutes sortes d'avantages aux électeurs, donc qui augmentent la dépense publique. Ça me semblait un argument moins économique. Tout à fait. Et dis-moi, par contre, ce qui est aussi marquant, c'est que c'est vraiment dans l'air. Hein? C'est vraiment dans l'air de parler de baisser les taxes. On le voit partout aux États-Unis, en Ontario et ailleurs. Oui, bien, présentement, il y a un grand débat là, dans l'actualité, notamment américaine, c'est-à-dire que M. Trump a encore en compte de ses politiques là, un peu extrêmes, un peu hasardeuses, disons, qui lui promet de baisser il s'engage à baisser les impôts des corporations, des entreprises, de 35% qu'elles sont présentement à 20%. Le taux sur les profits baissera à 20%, ce qui est une baisse considérable. Il laisse entendre aussi que ces baisses d'impôts-là pourraient profiter aux classes moyennes. Ça, c'est plus contestable. On pourrait revenir un peu plus tard. Mais il y a d'autres pays aussi que j'ai vu dans l'actualité, les Pays-Bas. Notre metteur en ordre connaît bien ce pays-là. On a annoncé également des baisses d'impôts pour les entreprises ou les citoyens, je ne me souviens plus trop. Le Royaume-Uni en a annoncé, la Hongrie, la Belgique et même l'Ontario. Le ministre des Finances vient d'annoncer une baisse du taux d'imposition des petites entreprises, des PME, de 4,5 à 3,5%, donc un point de pourcentage, le 1er janvier 2018, donc dans quelques semaines. Alors qu'on voit, c'est un peu comme un mouvement, là, je dirais mondial présentement. On veut baisser les impôts. Il y a un effet d'entraînement, on pourra y revenir plus tard sur les avantages supposés de cela, puis il y a des chiffres qui disent plutôt le contraire, c'est assez amusant. Mais d'abord, première partie, je vous propose d'écouter Évelyne Couturier, chercheuse à l'IRIS, qui nous parle du fait que finalement, ben c'est effectivement encore à la mode, hein, annoncer des nananes pour les élections. C'est de constater que les baisses d'impôts, ça a l'air encore tentant pour les politiciens. C'est ça qu'on comprend? Absolument, surtout quand on est dans une année préélectorale, parce que c'est pas anodin que les élections provinciales vont avoir lieu en novembre 2018. Donc, les baisses d'impôts qui vont être annoncées vont avoir lieu à partir de janvier 2018. Donc, ça risque de faire partie des discussions préélectorales et des campagnes électorales. Regardez comme on est un bon gouvernement, on vous donne plus d'argent dans vos poches. C'est un grand classique, je dirais. Mais ça fonctionne encore? Est-ce que c'est ce que vous sentez? Parce qu'ils font pas ça pour rien, là. Bien, ça fonctionne encore, entre autres parce qu'il y a eu un certain mouvement avec la réingénierie, avec l'austérité, pour enlever le financement dans les services publics, enlever les services à la population, et ça crée une espèce de bris de solidarité. C'est-à-dire, quand on se retrouve à payer une certaine quantité d'impôts, parfois on en paye même une généreuse partie de son salaire, on s'attend à recevoir des salaires, on s'attend à recevoir des services en échange. mais en coupant dans les services et en demandant aux gens de se serrer la ceinture, en leur donnant l'impression que l'État est de moins en moins disponible pour eux, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare un peu la population en deux. Il y a les plus pauvres qui continuent d'avoir un minimum de services, et quand je dis un minimum, je veux dire des services qui sont inefficaces et un soutien aux revenus qui est beaucoup trop bas pour pouvoir réellement subvenir à ses besoins, couvrir ses besoins, etc. On laisse une certaine protection sociale pour les plus pauvres, et pour les autres, on dit, ben vous avez assez d'argent, donc on va augmenter, par exemple, vos tarifs de CPE. On va vous donner l'accès à un service de santé privé, donc vous allez pouvoir payer pour avoir accès à un médecin plus rapidement. En faisant ça, on se demande à un moment donné, mais pourquoi est-ce qu'on paye de l'impôt? Et on finit par amener les gens à se dire, ben en effet, je paye trop d'impôts parce que je ne reçois pas les services que je mérite pour l'argent que je donne au gouvernement. Mais ça, c'est une vision qui est vraiment alimentée par cette austérité-là, qui est alimentée par cette réforme des rôles de l'État, cette réforme de comment on donne les services aux citoyens et aux citoyennes. Et en décidant de réduire les impôts, par contre, on peut être content en disant, bon, j'en ai plus pour mon argent parce que je donne moins d'argent au gouvernement qui me donne déjà peu de services. Mais ce qui se passe, bien entendu, c'est qu'on leur donne moins de moyens ensuite pour pouvoir nous donner les services qu'on mérite, les services que l'État est supposé de rendre aux citoyens et aux citoyennes. Oui, surtout qu'on se présente comme étant un système universel, si on parle de la santé, mais même de l'éducation. En principe, c'est pas du vitesse. Or, dans les faits, ce qu'on sent se creuser, si je comprends bien votre discours, c'est que deuxième vitesse, là, on est pas mal là-dessus. Là. Absolument. En santé, en éducation, on voit en éducation la pression des parents, particulièrement des élèves qui sont au secondaire, de choisir la bonne école secondaire, une école qui peut être privée souvent, mais parfois dans le public, mais il y a une compétition entre les écoles publiques, ce qui fait que les écoles de quartier sont souvent mal financées, qui ont les élèves qui ont le moins d'aptitudes à l'école, qui sont des fois qui ont des problèmes sociaux, puis on retire les enfants qui n'ont pas de problèmes sociaux, fait qu'on laisse juste les ceux qui ont plus de problèmes dans l'école. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne vraiment cette impression-là que mieux vaut aller vers le privé, mieux vaut se séparer un peu de des services universels parce que les services universels ne sont plus garantis. Mais le gouvernement, lui, nous dit non, ils sont encore garantis parce que, justement, encore là, pour les plus pauvres, pour les plus précaires, l'école publique, elle existe encore, puis s'il n'est pas capable de se rendre dans une école avec les meilleurs professeurs puis les meilleures ressources pour pouvoir encadrer les élèves et les professeurs, mais il va toujours y avoir une place dans l'école publique de quartier. Même chose pour la santé. On encourage d'aller voir des cliniques privées pour des radiographies, pour des radiologies, pour des remplacements de la hanche, pour les cataractes, etc., en disant « allez-y ». Puis de toute façon, c'est pas grave, parce que si vous n'avez pas l'argent pour y aller, il y a toujours une petite place au public. Mais dans la réalité, le modèle qu'on a, le modèle qu'on aimerait avoir, puis le modèle qui est encore cher aux Québécois, si on leur pose la question, ils sont attachés à ce modèle-là d'universalité, c'est-à-dire tous les enfants, peu importe leur milieu socio-économique, peu importe d'où ils arrivent, depuis combien de temps ils sont au Québec, devraient avoir accès à la meilleure qualité d'éducation possible. Et peu importe encore son origine, son âge, son état de santé, on devrait avoir accès aux meilleurs soins de santé possibles. On est encore attaché à ça, mais le gouvernement travaille très, très subtilement à éroder ça et à nous faire sentir que les pauvres ont tout et nous, on n'a rien, donc on brise un peu cette solidarité-là. Puis je pense que c'est important de le rappeler, la solidarité, on ne devrait pas l'avoir avec les plus riches. On ne devrait pas dire « je veux payer le moins d'impôts possible et dépenser le plus en privé comme les riches ». On devrait dire « j'aimerais ça avoir le plus de services possibles et avoir un système universel, une solidarité avec les personnes qui en ont besoin ». Des remarques intéressantes pour poursuivre la discussion. Est-ce que c'est une bonne idée de baisser les impôts? Parce que là, on a mis la table sur certains effets. Là, eh bien, Évelyne Couturier parlait de cette solidarité qui est censée nous caractériser. Puis finalement, avec le temps, mais on se rend compte que on le gruge. En tout cas, moi, j'étais quelques années dans le réseau de l'éducation. On l'a senti. Quand on voit des réinvestissements, on dit « ouais, c'est ça, il était temps ». Ben, oui, effectivement, oui. Ben, moi, ça me rappelle un peu une citation que j'aime beaucoup de Churchill, mais il y a un Américain qui est un ancien juge de la Cour suprême, le juge Wendell Holmes, qui on cite souvent ses mots d'esprit. Puis lui, il disait que, parce qu'il est dans un pays où on déteste l'impôt, les États-Unis, les Américains sont reconnus détester l'impôt, et lui, il mentionnait qu'il disait que l'impôt, c'est le prix de la civilisation. Je veux dire, tu peux bien baisser les impôts, mais dans le fond, tu abandonnes un peu tout le vernis de civilisation qu'on a dans nos sociétés, via les soins aux plus démunis, via l'éducation, via les sortes de services publics, finalement. Ouais, ben oui, va vivre dans le bois si tu veux pas payer d'impôts, écoute. Par contre, bon, la question se pose, est-ce que c'est une bonne idée de baisser les impôts? On a mentionné le fait tantôt que, dans le fond, il y avait comme un effet d'entraînement. On se sent inspiré par les autres. Or, et tu m'avais envoyé le lien d'un blog intéressant, c'est écrit par Francis Weizig. Lui, il sort des chiffres puis il dit que si vous pensez que il faut avoir, faut baisser les taxes parce que ça nous rend plus compétitifs, ça s'avère pas. Non, ben c'est oui, effectivement. Ben peut-être j'aimerais mentionner dans le jeu, faire un clin d'œil à notre metteur en onde, que lui, c'est un blogueur néerlandais. Donc les Pays-Bas sont à l'honneur aujourd'hui. Voilà. Et Monsieur Weizig, c'est un drôle de oiseau, M. Ouais. Weizig, lui, il a tiré. En fait, il a fait une chose intéressante qui est accessible à tout le monde. Il a comparé des données fiscales, des données sur les taux d'imposition venant de la grande firme de comptables KPMG et des données du Forum économique mondial. Le Forum économique mondial, c'est ceux qui organisent le fameux forum de Davos là, à la fin janvier, qui réunit des élites politiques et économiques de partout dans le monde. Ouais. Il a comparé les deux, puis il est arrivé à l'observation, puis là, il y a un tableau qui est... ceux qui regardent l'émission de la télévision vont le trouver très parlant dans notre tableau. Il montre très bien qu'il y a un lien entre les pays qui imposent le plus les entreprises. Et curieusement, dans ce cas-là, ça donne presque raison à M. Trump, les États-Unis, le Japon, la France, la Belgique, le Danemark sont des pays qui imposent plus que les autres, l'impôt sur les profits, qui impose oui, les profits des entreprises, sont aussi compétitifs et même surtout davantage compétitifs. Ils attirent mieux, ils attirent plus l'investissement que ceux qui taxent le moins. Ceux qui taxent le moins, c'est la Suisse, la Singapour, par exemple, Hong Kong et l'Irlande. Donc, déjà, en soi, ça va un peu contre ce message qu'on essaye souvent de véhiculer sur la place publique à l'effet que je vais baisser les impôts parce que ça va permettre d'attirer des travailleurs qualifiés puis ça va permettre d'attirer des investissements. Alors lui, il montre, son graphique est très parlant là-dessus, il montre très bien que ça ne tient pas la route si on regarde la réalité des choses. Tout à fait. D'ailleurs, je le mettrai sur le blog et puis sur Facebook qu'on puisse le regarder. Mais tu sais, on voit Bahreïn qui est à 0%, hein, c'est pas compliqué, les autres, on veut pas en faire payer, puis on est dans la compétitivité, ils sont dans les plus bas de toute façon. Tu sais, c'est comme une manière de dire, c'est pas une façon de faire. D'ailleurs, dans son blog, ce qui spécifie, si vraiment vous voulez être compétitif, le travailler sur d'autres choses, hein. Les il parle des infrastructures, il parle de stabilité macroéconomique, il parle d'efficacité et de sophistication dans l'environnement des affaires, il parle de qualité de l'éducation, il parle de R&D aussi. Oui, puis il ne mentionne pas, mais il aurait pu l'ajouter, là, il aurait pu ajouter la corruption aussi, parce que les entreprises sont très sensibles à ça, à savoir, c'est bien beau à la Bahreïne, mais s'il faut que je donne des pots de vin à tous les fonctionnaires que je rencontre, c'est pas même en bout de piste, je suis pas vraiment gagnant. Quoi que ça se fait encore, mais quand même. Donc ça, c'est intéressant. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu trouves que toi, baisser les impôts, c'est une bonne idée? Ben, c'est-à-dire que, regarde, je vais peut-être me faire un petit peu l'avocat du diable là, pour plaider un peu mes collègues économistes qu'on a cités tantôt un peu plus tôt. Il reste que c'est vrai qu'au Québec, comparativement à l'environnement nord-américain dans lequel on est, c'est quand même relativement élevé. Si on additionne les trois niveaux de gouvernement, donc j'inclus le municipal, là, au Québec, on l'a déjà mentionné d'ailleurs à l'émission précédemment, Québec, c'est à peu près 38% des revenus là, ou du PIB, de la production, qui va en impôt. On est derrière la France, la Belgique, c'est autour de 45%, mais au Québec, à 38%, on est quand même largement au-dessus du reste du Canada. Le reste du Canada, sans le Québec, là, c'est 30%. Donc, 38% versus 30%, on est pas mal plus imposé, plus taxé au Québec qu'ailleurs. Aux États-Unis, c'est autour de 25-26. Fait que, tu vois, il reste la question, on se pose. Sauf que si tu baisses les impôts, si Mme Couturier l'a un peu évoqué tantôt, ça veut dire qu'il y a beaucoup de services que tu pourras pas rendre. Puis les services en matière d'éducation, de santé, d'infrastructure, ça peut être utile pour relancer l'économie. C'est la phrase que je sortais des fois, moi, quand je rencontrais des gens qui me disaient ça. Moi, là, je trouve qu'on est trop taxé. Là, on devrait quoi? Voulez-vous? On coupe ça demain. Là, on coupe ça de moitié. Là, on vous coupe ça de moitié. Ah oui, certainement. Bon, on va couper vos services de moitié. Ah ben là, non. Ben non, c'est ça. C'est parce qu'il faut. Il y a un coût social. Et, ça va avec. Là. On veut avoir des bons services, sinon ben, on va vous facturer à chaque fois, à chaque étape. Ça, vous allez trouver ça aussi pas mal moins drôle. Oui, puis il y a une autre chose aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un mythe dans le fond, c'est-à-dire que ça me fait penser un peu au prix Nobel d'économie là, dont on a parlé il y a quelques semaines, M. Thaler, qui disait les gens, surtout en économie, souvent dans les décisions économiques, ils ont des décisions, dans le fond, qui pensent être du gros bon sens, mais ça ne l'est pas. Parce qu'on dit, je pense que le préjugé derrière ça, c'est à l'effet que si on baisse les impôts, les investisseurs vont investir davantage, puis l'activité économique va aller beaucoup mieux, etc. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que si tu baisses les impôts, souvent, c'est ceux qui en payent le plus, donc les plus riches qui vont en profiter le plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la baisse d'impôts? Ils vont peut-être faire des voyages exotiques qui profiteront pas du tout à l'économie locale. Alors que si tu augmentes les programmes sociaux, par exemple, l'argent est tout dépensé localement. Si tu augmentes l'aide sociale, on y reviendra peut-être un peu tantôt, si tu augmentes l'aide sociale, si tu augmentes la dépense dans les hôpitaux, ben l'infirmière qui a un meilleur chèque de paye, elle va probablement dépenser ça localement d'abord. Donc, je pense que c'est une fausse équation qu'on fait entre baisse d'impôts relance l'économie automatiquement. En augmentant, en gardant l'impôt au même niveau, ou même en l'augmentant, mais par des dépenses publiques, en ayant une présence plus affirmée de l'État, tu peux très bien relancer l'économie aussi, et je pense même peut-être de façon plus efficace au total. Je me souviens des chiffres de l'IRIS d'ailleurs, où on voyait de toute façon que quand il y avait des marges de manœuvre, on faisait de la surépargne. Il y a des chiffres qui sont vraiment très impressionnants par rapport aux entreprises qui font de la surépargne. Il y a aussi, on fait de l'évitement fiscal. Il y a de l'évasion fiscale. Il y en a qui, quand ils réussissent à avoir un sac avec de l'argent, ils disent, ben, on va aller le placer parce que là, il y a une baisse maintenant. OK, mais il n'y a rien qui me dit que je vais en avoir une plus tard. Donc, une espèce de on joue à l'écureuil un peu. Ça reste un fait, là. Bien, c'est-à-dire, c'est un peu ce que je mentionnais tantôt aussi. Souvent, ceux qui vont profiter le plus des baisses d'impôts, c'est ceux qui ont plus d'argent, et souvent, ils ne sauront pas quoi faire avec la baisse. Ils risquent à mettre dans des placements, puis ça va tout simplement financiariser davantage l'économie. Puis encore pour l'individu, quand on parle de 200 $ sur une année, quand ça équivaut à quelques dollars à peine par semaine, je veux dire... Tu ne vois pas passer? Bien, là, tu vois, effectivement, ça, je pense que ça ne sera pas une grosse différence au bout de la ligne. Il y a peut-être aussi là-dedans, Jean-Claude, ce qu'on appelle le trickle-down. Je sais qu'on en a parlé de temps en temps ici à l'émission. Là, on appelle ça le ruissellement, l'économie du ruissellement. Il y a encore aussi de cette pensée un peu magique-là que, bon, si on baisse les impôts, on va être plus prospère. Si les gens fortunés ont de l'argent, ça va rejaillir sur nous tous. Ça, le trickle-down, ça a été démantibulé souvent, là. Ben peut-être ça permet de faire un petit rappel historique là. Ça, moi aussi loin que je peux me rappeler. En fait, ça a commencé un peu avec la proposition 13 en Californie. Tout était encore très jeune à ce moment-là. C'était en 78. C'est qu'en Californie, il y a des gens qui ont dit on veut plus payer d'impôts locaux, ni de taxes municipales. C'est-à-dire, on veut plafonner le taux de taxation immobilière. Puis les municipalités en Californie peuvent aussi imposer des taxes de vente, puis je pense peut-être même sur le revenu. Les taxes de vente, peut-être pas sur le revenu, par contre. Fait qu'ils ont plafonné ça. Et ça a été le premier. Puis il faut se rappeler que M. Reagan était gouverneur en Californie. Quand il est devenu président, il a apporté cette idée-là avec lui. Et là, il s'est associé à un économiste, un monsieur Laffer, qui a développé cette idée que trop d'impôts nuisait à l'impôt. C'est-à-dire que ce que ça voulait dire, dans le fond, que si on augmente trop l'impôt, si l'impôt est trop élevé, les gens font moins d'activités économiques, puis finalement, ça finit par moins rapporter. Ça vient un peu de cette idée-là. Fait qu'ils ont dit, on va plutôt aller à l'inverse. On va mettre moins d'impôts, puis automatiquement, ça va avoir pour effet de relancer l'activité économique. Là, le gouvernement va pouvoir collecter davantage d'impôts, davantage de taxes, puis tout le monde va être heureux. Il va rentrer plus d'argent, puis les gens vont payer moins d'impôts. Fait que c'est un drôle de raisonnement. Mais à l'usage, ça s'est pas révélé que ça fonctionnait très bien. C'est que je pense pas que... Puis même, d'ailleurs, je sais pas si on a encore le temps de les mentionner, mais pour faire un peu faire le contrepoids à l'étude de M. Wizard, en tout cas notre Néerlandais tantôt, une étude aux États-Unis a comparé les États qui taxaient le plus les contribuables, ceux qui les taxaient le moins. Puis ceux qui les taxaient le moins, c'est notamment 0% d'impôt sur le revenu. Ça a montré exactement le contraire du trickle-down, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation entre la croissance économique et la fiscalité. Au contraire, les États qui taxent le plus, qui imposent le plus, ce sont eux qui s'en tirent le mieux. Ils ont le taux de chômage le plus bas, ils ont le taux de croissance économique le plus élevé, ils ont le revenu personnel disponible des contribuables le plus élevé. Parce que ça rend la société et le travail dynamique. On va faire une courte pause au retour. On va écouter la deuxième partie avec Évelyne Couturier, qui là va nous passer de parler de baisser les impôts aux riches. Là, elle nous dira en gros que ça donne à rien et qu'il faut plutôt investir, mais différemment. Outre l'aspect électoraliste évident de la baisse d'impôts, est-ce que c'est une bonne idée sur le plan économique de baisser les impôts? Bien, ça dépend toujours des baisses d'impôts. Si on regarde ce qui a été fait à travers le monde, à travers les années sur... Parce que les baisses d'impôts, ça vient un peu dans une théorie que l'État devrait fonctionner avec le moins d'argent possible. On ne devrait pas taxer, aller chercher de l'argent chez les individus et on devrait limiter l'État à des rôles qui sont très minimes. Et il y a beaucoup de politiciens qui ont cette idée-là de dire on devrait avoir le moins d'argent possible et faire le moins de choses possible. Alors, on a quand même un grand échantillon pour voir, finalement, quand on décide de baisser les impôts, quel impact que ça a sur l'économie. Et ce qu'on voit, c'est qu'au final, ça n'a pas vraiment d'impact. On peut baisser les impôts et avoir une grande croissance économique l'année suivante, ou on peut baisser les impôts et avoir une récession l'année suivante. Il n'y a aucune corrélation entre les deux. Ce qu'on voit, par contre, c'est que quand on fait des baisses d'impôts qui sont ciblées sur les plus riches, là, il y a encore moins d'effets. Là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de redistribution, il n'y aura pas de plus d'investissement. L'argent que les riches vont économiser avec leur baisse d'impôts, ils ne vont pas le dépenser. Donc, une étude récente disait que pour chaque dollar économisé à l'impôt, les riches vont en dépenser 45 sous. Donc, c'est pas beaucoup. Alors que si on fait une baisse d'impôt pour les plus précaires, pour la classe moyenne, eux, ils vont dépenser 86 sous sur chaque dollar qu'ils vont économiser. Donc, si on vise plus la classe moyenne, les travailleurs, les travailleuses, les gens un peu plus précaires, on risque d'avoir une stimulation de consommation qui est plus grande. Cependant, lorsqu'on regarde encore là les grandes tendances puis comment les baisses d'impôts ont eu un impact sur l'économie à travers le monde, on voit que c'est plus quand on va donner un rabais. Donc, par exemple, si là, on parle de baisse d'impôts de 200 $ par famille, si c'est 200 $ qu'on vous donne d'un coup, ça va avoir un effet de stimulation qui va être beaucoup plus grand que si on réduit l'impôt de 200 $ pour l'année. Parce qu'au final, que ça veut dire 200 $ dans une famille, 200 $ en fait par personne, ça veut dire 4 $ par semaine, ça veut dire que chaque chèque de paye que vous allez recevoir va avoir 8 $ de plus. Oui, on ne le sent pas vraiment. On le sent pas vraiment. Il n'y a pas des grosses dépenses supplémentaires qu'on va faire. Il n'y a pas des investissements qu'on va décider de mettre en place. On va pas. Il n'y a pas grand-chose qu'on va faire avec 8 $ de plus par deux semaines. Donc, l'effet sur la croissance économique va être mitigé. En même temps, il y a plein d'autres aspects, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte quand on parle de croissance économique. Donc, même si la baisse d'impôts n'aura pas d'effet sur la croissance économique, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il n'y aura pas une meilleure croissance parce que les États-Unis, parce que le Canada, parce que le pétrole, parce que plein d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Évidemment, là, on parle de la baisse d'impôts pour les particuliers, mais il y a aussi question de la baisse d'impôts des entreprises parce que, encore là, le dogme est assez fort. Si on baisse les impôts des entreprises, c'est automatiquement la croissance économique. Là. Et ça aussi, c'est assez absurde. On a fait une recherche à l'IRIS il y a quelques années, si je me rappelle bien, où on regardait l'argent économisé encore là par les entreprises avec des baisses d'impôts et leur tendance à investir. Et ce qu'on voyait, c'est que plus qu'on baissait les impôts, puis moins que les entreprises investissaient. Donc, cette idée-là que lorsque les gens qui ont beaucoup d'argent ont encore plus d'argent, ils utilisent cet argent-là pour l'injecter dans l'économie, créer de l'emploi, changer leur matériel, etc., ça ne s'avère pas. Maintenant, quand on parle des petites moyennes des entreprises, là, c'est quand même un peu plus différent. Ça revient un peu à cette distinction entre les personnes les plus riches et la classe moyenne. Donc, pour certaines petites moyennes des entreprises, baisser le taux d'imposition donne un peu d'oxygène à des entreprises qui ont une réalité économique qui est bien différente. Si on décide de baisser les impôts des entreprises, ce qui risque d'arriver, c'est qu'elles vont se dire « ben c'est probablement temporaire, donc je trouve aussi bien de la placer quelque part plutôt que de l'injecter puis de risquer après coup qu'on me retaxe. » C'est même pas une question de temporaire ou permanent, c'est plus une question, ce qu'on appelle une nouvelle réalité comptable ou une nouvelle norme comptable où les entreprises se comparent entre elles avec l'argent qu'ils ont en banque en disant « Regarde, moi je suis une entreprise qui va super bien, j'ai 500 millions, 750 millions, 1 milliard de dollars en banque. » Donc, les entreprises se valorisent comme ça. Donc, une entreprise qui a beaucoup d'argent en banque va gagner en valeur, mais sans se faire plus d'investissement. Ça rentre un peu dans la logique de l'économie financiarisée. Donc, c'est même pas juste une question de ils n'ont pas confiance dans l'économie. Non, c'est une nouvelle façon de faire des affaires en mettant de l'argent de côté plutôt que de l'investir. Bon, ben maintenant, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire alors? Ben, plutôt que de baisser, peut-être pas baisser les impôts, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais là, c'est sûr que quand on parle de la baisse d'impôts qui est annoncée, une baisse d'impôts qui disent qu'ils veulent cibler sur les travailleurs et les travailleuses, qu'ils veulent mettre 200 $ de plus dans leur poche par personne, ce qu'ils disent, c'est on a mis en place la rigueur budgétaire, ce qui est leur façon polie de dire on a mis en place des années d'austérité, et maintenant qu'on a réussi à avoir de l'argent, ben on va la redonner aux personnes qui ont eu à vivre avec les conséquences de cette rigueur, de cette austérité-là. Mais si c'est vraiment ça l'objectif, bien, ce qu'on devrait faire, plutôt que de donner 8 $ de plus par chèque de paye à chaque individu qui paie de l'impôt, ce qu'on devrait faire, ce serait d'investir dans les services, d'investir là où les gens en ont des besoins qui sont criants. On regarde, par exemple, les CPE. Les CPE sont les meilleurs services de garde qu'on a au Québec, et je dirais même que c'est les meilleurs services de garde qu'on a au Canada. C'est un service public autogéré par les personnes qui travaillent là et les parents qui laissent leurs enfants sous la responsabilité des éducatrices qui y travaillent. Le contenu éducatif est vastement supérieur à ce qu'on peut trouver dans le secteur privé. On a vraiment un grand succès là-dedans, et là, le gouvernement a coupé largement dans les CPE. Les éducatrices en garderie n'ont pas des salaires qui sont faramineux, manque d'espace, les parents devraient avoir accès à des CPE, peu importe où ils sont au Québec. Donc, investir là-dedans voudrait dire permettre à des parents, des jeunes parents, d'avoir un endroit où ils peuvent laisser leur enfant en confiance et que cet enfant-là va être stimulé, va être éduqué, va être socialisé avec des personnes de qualité qui sont capables de l'encadrer. Donc ça ferait changer la vie beaucoup plus que 8 $ de plus par deux semaines. Même chose avec les CHSLD ou avec les services à domicile si on prend les personnes âgées. Et on se retrouve à avoir de plus en plus de personnes âgées. On en a parlé pendant plusieurs années, le tsunami gris, les baby boomers qui rentrent à la retraite, qui vieillissent de plus en plus, qui sont un poids pour la société. Bon, faut quand même relativiser les choses, mais il y a quand même certaines personnes qui ont besoin de services pour pouvoir continuer à rester à la maison et continuer à être des membres actifs de la société. C'est en leur donnant des services à domicile, des services pour les aider à préparer à manger, se laver, prendre leurs médicaments, faire le ménage dans leur maison. En faisant ça, on garantit une meilleure santé pendant plus longtemps, une meilleure santé mentale également. Donc, investir là-dedans, ça ferait vraiment une différence dans la vie des gens. Encore là, beaucoup plus que 8 $ par paye qu'on reçoit. Donc, si on veut vraiment dire que l'objectif, c'est de redonner après avoir coupé, bien, il y a des endroits très simples qui ne coûteraient pas tant d'argent, parce qu'on parle quand même de 2 milliards de dollars. C'est un gros montant, mais on ne peut pas investir partout et n'importe comment. Mais en utilisant cet argent-là dans la petite enfance et chez les personnes âgées, on aurait un impact qui serait radical, qui serait important et qui ferait que l'ensemble de la population vivrait avec une espèce d'oxygène de plus dans leur vie, parce qu'on a confiance que les personnes qui dépendent de nous ont les services qu'ils méritent. Donc, éviter à tout prix le saupoudrage. Il faut éviter le saupoudrage. Puis le saupoudrage, c'est un peu, on parlait de les baisses d'impôts sont annoncées un an avant les élections. Bien, le saupoudrage aussi, c'est une tactique assez régulière des partis politiques quand on arrive sur le bord des élections. Donc, de nous dire qu'on va utiliser la moitié pour la baisse d'impôts, une baisse d'impôts qui est cosmétique plus qu'autre chose, et qu'ensuite, on va utiliser un peu d'argent pour la lutte à la pauvreté, mais qui a plus l'air d'être une incitation au travail, parce que l'argent qu'on promet aux personnes qui sont sur l'aide sociale est absolument pas assez haute pour pouvoir garantir la couverture de besoins. Il faut absolument travailler si on veut réussir à joindre les deux bouts. Et là, après ça, on nous dit, et d'autres mesures et d'autres investissements. Mais ces investissements-là vont être sur la part congrue et nécessairement, ça va être un saupoudrage, ça va être encore là cosmétique, ça va être montré qu'ils vont essayer de nous dire qu'ils ont des bonnes intentions et qu'ils reconnaissent les besoins dans divers milieux, dans divers lieux. Mais dans le fond, c'est des investissements massifs dans des secteurs précis qu'on aurait besoin pour vraiment être capable de faire avancer le Québec. Chose intéressante, d'abord, les aînés sont un poids, mais... Et les baby boomers aussi. Les baby boomers aussi. Non, des choses très, très intéressantes qui se disent. Effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que de baisser les impôts, ou en tout cas, comment on pourrait faire ça différemment? C'est sûr que quand moi, je vois des nouvelles comme celle-là, quand je vois des intentions comme celle-là, je suis toujours fasciné parce que ça fonctionne encore. Pourquoi? C'est psychologique, social, ça fonctionne encore de dire aux gens, on va baisser vos impôts. Dans les faits, c'est même pas 200 piastres. C'est ça, mais ça permet de faire un beau discours électoral. Madame Couturier, je pense, a évoqué plusieurs points très intéressants dans son intervention, notamment le caractère un peu symbolique, finalement, du saupoudrage. Un milliard, si tu l'affectes à un programme, un ou deux programmes dans le secteur de la santé ou de l'éducation, ça aura peut-être un impact. Mais si tu distribues à chaque contribuable ou chaque ménage qui paye de l'impôt 200 $ par année, ben, il y a des fortes chances qu'ils ne s'en rendent pas trop compte. Ça change pas grand-chose, dans le fond, dans leur comportement. C'est vrai, on voit souvent ça aussi dans les programmes d'infrastructure, quand on va annoncer, par exemple, on va préférer annoncer 14 projets dans 14 villes plutôt que puis qui réussissent pas à boucler convenablement le projet, plutôt que de dire on va en faire 3, mais 3 solides. Ben, c'est ça, peut-être on saupoudre parce qu'on veut faire plaisir un petit peu à tout le monde. Oui. Puis encore une fois, ça fait des beaux discours, mais je suis tout à fait d'accord avec Mme Couturier. Je pense qu'elle mentionnait beaucoup d'exemples tirés du secteur de la santé. Bien, on a des exemples dans l'actualité. Là, par exemple, on sait que c'est sorti dans les journaux cette semaine que les repas, là, le docteur Barrette, il donne à peu près 2,5 piastres par repas dans le réseau de la santé. Là. 2,5 piastres, à part que manger des hot dogs, tu manges pas grand-chose. Si on pourrait prendre le milliard puis l'utiliser pour améliorer un petit peu, améliorer les bains d'un CHSLD, on a eu quand même ici à Québec, on a eu hier un petit drame, là. Deux morts à cause du manque de services ambulanciers. Mais semble qu'avec un milliard, on pourrait s'en payer pas mal des ambulances. Tout à fait. Oui, puis les patates en poudre, ça va être beau. Évidemment, des choses qu'on peut faire de plus, on parle d'infrastructure notamment parce qu'il y a des besoins criants. Et à pauvreté aussi. T'sais, lutter contre la pauvreté, on pourrait peut-être poser des gestes plus considérables que juste dire on va vous aider avec 200 piastres, toujours bien. Oui, bien, il est possible que cette semaine, il y a des. Parce qu'on dit que le ministre Blais va aussi avoir des annonces à faire la semaine prochaine. Non seulement le ministre Lighthouse va probablement annoncer une baisse d'impôts, mais peut-être que M. Blais annoncera des choses. Mais effectivement, c'est sûrement quelque chose, parce que Mme Couturier l'a bien répété, là, c'est de l'argent qui va tout de suite dans l'économie. Ça. Quand tu augmentes l'aide sociale, là, je pense pas que les gens fassent des gros placements avec l'argent qu'ils ont reçu. Là. Maintenant, quand on voit aussi ces options-là, moi, je me questionne toujours sur l'intérêt d'aller chercher des revenus supplémentaires. Parce que quand on veut faire des baisses d'impôts, on veut vous dire qu'on a donc bien gérer ça. Dans le fond, on a aussi quand même très honnêtement fait souffrir des secteurs publics pendant des années. L'austérité, c'était une réalité, même si on n'ose pas le prononcer. Dans les faits, pendant ce temps-là, la lutte à l'évasion fiscale, à l'évitement fiscal, c'est assez timide. C'est pourtant une avenue qui pourrait être intéressante, me semble-t-il, en tout cas. Oui, c'est sûr. Ben, il reste que, encore là, on est obligé de croire la bonne foi des différents gouvernements. Là, les gouvernements, on l'avait encore dans les journaux cette semaine. Apparemment, les gouvernements disent qu'ils vont améliorer les choses, mais que ça prend du temps. On veut bien les croire, mais je pense que oui, tu as tout à fait raison, David. Je pense qu'il y a de l'argent qui se perd. Il y a de l'argent qui se perd dans le commerce électronique, notamment. Ça sera encore peut-être plus facile à aller chercher que l'évasion fiscale, parce que tu connais toutes les transactions. Comme 53 cents à Netflix, mettons. Oui, ben c'est ça, mais ça, c'est quand même assez fascinant, parce que là, on a vu des rares convergences d'intérêts là, entre Amir Kadir, supposons, puis Peter Simons. Là. C'est à la même tribune à l'Assemblée nationale. Là, puis ce sont deux types très sympathiques, là, sauf qu'on ne les imaginait pas ensemble à la même tribune pour dire, demander au gouvernement d'être plus efficace, de réussir, à mettre une plus grande équité dans les taxes qui sont prélevées sur le commerce électronique, puis les taxes qui sont prélevées sur les transactions ordinaires là, au niveau du Québec, dans les différents commerces au Québec. Fait qu'on a beaucoup plus à aller chercher, ça c'est sûr. Puis surtout qu'en même temps, c'est une des choses qu'on a dites rapidement tantôt, il y a une question de prudence aussi. Comment tu vois ça, toi, le fait que on se permette de jouer en disant, bon, ben, on commence à avoir un petit peu d'argent, on va faire des cadeaux. Oui, je comprends que c'est en fonction électorale, mais si on parle sur le plan économique, il me semble qu'une certaine prudence vaudrait quand même la peine. Économique et politique. Puis M. Veil, que tu citais tantôt, il avait aussi ajouté dans son article, ou un autre article, je ne me souviens plus, que c'est exactement le point, puis il avait tout à fait raison. Il dit, c'est bien beau donner des rabais, là, mais il n'y a rien qui dit qu'on n'aura pas besoin de cet argent-là l'année prochaine. Exactement. Puis il mentionnait, par exemple, qu'il ne faut pas oublier que l'élimination de la contribution, la taxe santé aussi, qui va coûter 1 milliard aussi au gouvernement. Fait que là, ça va bien, mais si ça va moins bien dans 2-3 ans, là, ça va être difficile d'augmenter les impôts, parce que c'est très facile de baisser les impôts, mais les augmenter, ben, on a vu la taxe Netflix, là, ça, c'est pas mal plus difficile même, c'est seulement qu'une pièce par mois, les politiciens ont beaucoup de réticence à augmenter ça, puis l'électorat aussi souvent. Donc, il y a cette prudence-là. Puis, ce que Mme Couturier n'a pas mentionné, mais qui serait une autre option. Supposons qu'on n'augmente pas les impôts. Supposons qu'on dit, là, bon, on va essayer de garder ça là, on ne les baisse pas, on ne les augmente pas parce qu'on est déjà plus élevé qu'ailleurs en Amérique du Nord. Avec le surplus qu'on a présentement, on pourrait au moins rembourser la dette. Ça fait longtemps qu'on nous bassine en nous disant, là, une dette intolérable au Québec. Puis encore là, on pourrait discuter de ça, on le fera à une autre émission. Mais si c'est vrai que la dette est élevée, pourquoi le milliard, on ne le prend pas? Ça aura moins l'avantage qu'on paierait moins d'intérêt l'année prochaine sur la dette en question. Donc, il y a toutes sortes d'options. Je pense que la baisse d'impôts, c'est une option parmi d'autres. C'est pas nécessairement la meilleure. Peut-être que c'est la meilleure au plan politique, ça, je ne sais pas. Les électeurs en jugeront éventuellement. Mais il y aurait bien d'autres options qui seraient peut-être plus rationnelles. D'autant, oui, d'ailleurs, on avait présenté le livre à l'émission d'Attaque Québec où il parlait justement là, de la limite entourant la dette, puis en faisant bien comprendre qu'elle est en contrôle. D'ailleurs, l'article de Veil le rappelait. Il disait, ceci dit, on est quand même en contrôle par rapport à la dette. Donc, chose est sûre, je retiens de ton discours qu'on peut tellement faire mieux sur le plan économique et prévoir les contre-coups parce qu'on est dans une époque de transformation sur le plan de la main-d'œuvre. C'est compliqué. C'est un enjeu qui est majeur qu'on devrait peut-être voir venir un peu davantage avec ça. Bien, c'est un autre aspect où Mme Couturier l'a pas mentionné. Elle a plutôt insisté dans le domaine de la santé, mais effectivement, dans le domaine de la main-d'œuvre, la question, on l'a abordé nous-mêmes à l'émission il y a quelques semaines, là, la robotisation, on ne connaît pas l'ampleur du problème éventuel, mais on s'entend sur une chose, c'est qu'il y a un défi là, de transition, d'adaptation, puis il y aura peut-être un défi de transition dans les politiques commerciales aussi, si l'ALENA ne se renouvelle pas, puisque ça semble, la menace semble de plus en plus sérieuse. Oui, on durcit le ton encore, oui. Il y aura peut-être des besoins de recycler la main-d'œuvre dans d'autres activités. Donc, le milliard en question pourrait très bien être utilisé de façon très productive dans des programmes de transition, de formation, de recyclage. Ça, ce serait voir venir, mais c'est moins payant, on dirait, en politique. On fait une petite pause musicale, le temps de souffler un peu. Pour retour, on va parler de l'actualité et du revenu minimum garanti dans quelques secondes. Effectivement, c'est assez dans le ton, Game of Thrones, c'est un peu ça qui va se passer avec l'élection l'année prochaine. Donc, ceci étant dit, Jean-Claude, dans l'actualité, quelque chose d'intéressant qui a fait beaucoup, beaucoup jaser, revenu minimum garanti, des experts se sont prononcés, le ministre a répondu à ça aussi. Si on faisait juste placer rapidement ce que c'est, là, le revenu minimum garanti, pour qu'on comprenne tout le monde. Là. Le revenu minimum garanti, c'est tout simplement une nouvelle sorte de programme social, une allocation dans le fait qui va à tout le monde. Là. Tout le monde, peu importe que tu travailles ou que tu travailles pas, c'est qu'on te donne un montant quelconque. Ça peut être, par exemple, 10 000 $ par année là, ou 1 000 $ par mois, peu importe. Et on ne te pose pas de questions. On ne te demande pas si tu as fait des efforts pour te trouver un emploi. On ne te demande pas pourquoi tu fais rien, pourquoi que... Peu importe. On ne te demande pas si tu gagnes déjà 200 000 $ tu as revenu minimum garanti. Ah oui, on se comprend. Donc, ce n'est pas de l'aide sociale. Vous n'avez pas besoin de vous qualifier. Tout le monde reçoit ça. Mais le modèle de base, par contre, c'est qu'on financerait ça avec l'aide sociale dans le sens suivant. Tous les programmes sociaux existants seraient mis de côté. On n'en parle plus. On remplace ça par une allocation unique. Donc, en théorie, ça aurait l'avantage de diminuer la bureaucratie. Il y aurait moins de fonctionnaires, autrement dit, au ministère de la Solidarité sociale. Mmh. On enverrait un chèque à tout le monde. Ce serait aussi simple que ça. Mais il y a un rapport qui a été remis. Il y avait des choses à en dire, des bonnes et des moins bonnes. Bien, c'est un peu surprenant. C'est, dans le fond, rappelons que M. Couillard avait donné le mandat au ministre Blais, qui lui-même, quand il était à l'université, était un spécialiste du revenu minimum garanti. On lui a donné le mandat il y a déjà un an et demi. Lui-même s'est retourné contre un comité d'experts qui sont trois économistes en passant et qui ont pris un an pour faire le rapport. Puis le rapport est sorti cette semaine. Le rapport disait... En quelques mots, il disait à peu près la chose suivante. Au Québec, on a déjà un bon inventaire de programmes sociaux. Ça répond plus ou moins, pas parfaitement, mais ça répond à peu près aux besoins d'un revenu minimum garanti qui, lui, de toute façon, coûterait trop cher parce qu'il faudrait donner l'argent à tout le monde, alors qu'au moins, les programmes sociaux actuellement sont ciblés vers les gens qui en ont le plus besoin. Fait qu'ils disent, dans le fond, c'est pas mauvais de réfléchir sur le revenu minimum garanti, mais pour l'instant, au Québec, ça coûterait trop cher, ça sera pas efficace, on n'a pas les moyens. Fait qu'on va mettre ça de côté. On va plutôt essayer d'améliorer les programmes existants. Puis il y a quand même des propos, ça a été très critiqué, y compris par le ministre lui-même, mais il y a des propositions intéressantes dans lesquelles justement la transition de la main-d'œuvre, il parlait de mettre un montant qui pourrait aller curieusement, jusqu'à 1 milliard, le même milliard dont on parlait tantôt, en disant on pourrait peut-être mettre de l'argent pour aider les travailleurs à se former pour quand ils sont menacés dans leur emploi actuel. Donc, il y avait en contrepartie des propositions qui disaient qu'on pouvait aller jusqu'à plafonner l'aide sociale à 55% de la mesure du panier de consommation. C'est une espèce de barème là, qu'on se donne pour être capable de... Ben, c'est la nouvelle norme, finalement. Depuis quelques années, c'est apparu. Ça vient, je pense, de Statistique Canada. C'est que ça dit, dans le fond, en gros, là, pour simplifier... Pour avoir une vie décente, ça prend au Québec, là, ça prend à peu près 18 000 $ par année. Puis sauf que décente entre guillemets, là. Hein? Décente, oh, ouais, c'est pas, on fait pas de folie avec ça. Alors que l'aide sociale, ben, c'est là que ça a été très critiqué. Les autres, ils veulent pas que l'aide sociale aille plus qu'à 55%, donc autour de 10 ou 11 000 $ pour un individu seul. Parce qu'on veut, soi-disant, garder l'incitation au travail. On veut pas que les gens gagnent trop d'argent sur l'aide sociale parce qu'ils vont dire, ils vont rester à la maison, on va être bien contents. Fait que ça a été dénoncé comme étant un peu, au plan éthique, un peu critiquable, disons. Si tu me permets, je vais juste lire un extrait d'un article qui a été publié dans Le Devoir. En fait, c'est un commentaire de Olivier Gentil et Olivier Grondin qui commentaient cette proposition-là du comité d'experts. Ils disent « Les experts ne recommandent pas l'implantation d'un revenu minimum garanti, concluant plutôt qu'en acceptant une définition suffisamment large du revenu minimum garanti, celui-ci s'appliquerait d'ores et déjà au Québec. Le comité recommande également de plafonner l'aide sociale à 55% de la mesure du panier de consommation afin de garantir l'incitation à l'emploi. Hein? Nous sommes d'avis qu'il est faux de dire que les mécanismes de solidarité sociale du Québec correspondent à ce qu'il est adéquat de considérer comme un revenu minimum garanti. Au demeurant, nous sommes inquiets de voir le rapport final démontrer une négligence des fondements de la lutte contre la pauvreté, omettant notamment de prendre en compte les droits garantis par nos chartes. » Élément intéressant parce qu'ils disent « Un revenu minimum garanti, les prestations sont versées à tous et à toutes, on le comprend, on défait alors le fardeau de démontrer sa précarité aux bénéficiaires. C'est pour cette raison que de nombreux théoriciens du revenu minimum garanti avance que celui-ci peut réduire la stigmatisation qui affecte actuellement les prestataires du filet social. Il évite de tracer une ligne entre les ayants droit et les exclus. Donc, on voit l'effet social. C'est un niveau de vie de base et le minimum de la décence, pas un luxe. Alors, que dire d'un projet qui vise à plafonner l'aide aux plus démunis à 55% des biens et services? Non seulement c'est insuffisant, mais c'est aussi une négation même du droit des personnes à vivre dignement, droit qui est garanti par nos chartes québécoises. Je trouve ça intéressant de dire, c'est le fun de parler du minimum, mais est-ce que le minimum est si intéressant que ça quand tu as 55% de ce qui est censé être à peu près décent? C'est pas terrible. Ouais, ben, oui, c'est ça. Puis, oui, je crois que l'article, les gens ont tout à fait raison de mentionner ça. J'ajouterais peut-être un petit point, moi, qui, je pense, la seule lacune majeure que j'ai vue dans le majeur, le mot trop fort, là, mais la lacune que j'ai trouvée dans l'étude des experts, c'est qu'ils n'ont pas tenu compte, par contre, des effets, justement, externes sur la santé, sur la délinquance, le décrochage, ouais. Le bien-être. Peut-être qu'on serait rendu compte que si on augmentait l'aide sociale, pas à 55% du panier de consommation, mais disons 75%, ça coûterait peut-être 2-3 milliards de plus, je ne sais pas trop, mais on réduirait peut-être les frais de santé, finalement, parce que les gens seraient moins malades, parce qu'il y a un lien très clair, établi, entre la pauvreté puis l'incidence de la maladie, différentes sortes de délinquances. Tu sais, il y a toutes sortes de choses, là, le décrochage scolaire. Donc, il y a bien d'autres problèmes dans d'autres ministères qu'on réglerait en augmentant, en étant peut-être plus généreux sur l'aide sociale. Tout c'est peut-être l'aspect, moi, que j'aurais aimé que le comité examine. Probablement que ça faisait pas partie de leur mandat, mais en tout cas, je trouve que c'est une des lacunes importantes. De toute façon, ça m'apparaît même être un sujet qui pourrait être intéressant à traiter en émission. Je dis ça comme ça, là, mais je trouvais qu'il y avait assez de choses à dire sur le revenu minimum garanti pour peut-être en revenir là-dessus éventuellement. D'autant que Viviane Labrie s'est prononcée, quelqu'un qui est une intervenante réputée, connue dans le domaine. Jean-Claude, en terminant, chiffre de la semaine, tu nous parlais de 11,2%. Oui, bien peut-être que nos auditeurs l'auront vu dans les journaux. C'est des données Statistique Canada qui portent sur, les revenus accaparés par le fameux 1%. Ouais. 1% des revenus les plus élevés, ouais. C'est autre chose dont on parle depuis déjà plusieurs années. Alors, on s'est rendu compte qu'en 2014 et 2015, en l'espace d'une année, la part du revenu total, la richesse des revenus gagnés au Canada du 1% est passée de 10,3 à 11,2. Donc, le 1%, malgré tout ce qu'on entend, tous les discours d'indignation sur la place publique, ils ont encore réussi à augmenter le part du gâteau. Ben, on l'entend pas mal. Hein. T'entends ça chez les médecins, t'entends ça chez les annonces sont dans ce sens-là. Là. Je me permettrais peut-être d'ajouter une chose. En termes de nombre, ça, c'est la première fois que je voyais le chiffre. Il y en a 270 000 maintenant. Le 1%, là, c'est 270 000 personnes au Canada. La part a augmenté au Québec légèrement en 2014 et 2015. Elle a augmenté en Ontario. Elle a baissé en Alberta. Pour une fois, nos amis de l'Alberta, ils ont baissé de 68 000 très riches à 65 000. Ça va mal en Alberta. Ah, c'est terrible. Mais tu vois, je trouve ça drôle que tu sortes ces chiffres-là cette semaine, qu'on ait ça, parce que c'est au moment même où on parle de revenu minimum garanti. Puis je reviens à l'article que je lisais tantôt. Voilà tout le paradoxe. Alors que nos sociétés n'ont jamais créé autant de richesses, les disparités de revenus entre les personnes les plus nanties, les plus précarisées, augmentent sans cesse. Nous sommes en droit de nous attendre à ce que l'État arrime ses politiques avec les besoins actuels, et cela de manière à garantir le respect des droits des plus vulnérables. Alors voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci à Jean-Claude Cloutier. Merci Jean-Claude pour la collaboration, la recherche. Merci à notre invitée Evelyne Couturier, chercheuse à l'IRIS. Et puis ben merci à notre nouveau metteur en onde, Erit Doher. Merci beaucoup, très apprécié. Vive l'animation libre, je pourrais dire. Donc bonne semaine à tous. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ou à écouter en balado. Visitez econophile.net. Merci à tous et à samedi prochain.